كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. طهمونيخ ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمبر 2. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Dans le premier درس de عمدة الأحكام شرح كتاب الصيام، on avait cité بعض فضائل الصوم. فمن يذكر منها parmi les mérites du صيام، que ce soit رمضان أو غير رمضان. Et il y avait des فضائل خاصة pour رمضان. فمن يذكر منها تفضل أخي. الأجر العظيم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله سبحانه وتعالى إلى ستة المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات القانتين والقانتات إلى ستة الصائمين والصائمات، هؤلاء يزون أجر عظيم عند الله. إلى ستة حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى يضاعف الحسنات بعشرة أمثالها. Multiplier les hasanat par 10, ça peut aller jusqu'à 700. Illa as-sawm, sauf le sawm, Allah subhanahu wa ta'ala قال فإنه لي وأنا أجزي به. C'est une fadila عظيمة. كذلك تفضل. نعم. Ça nous permet de ressentir la douleur des autres, donc نعم la reconnaissance, c'est un fadl عظيم. قبل هذا نعم أن للصائم فرحتان، فرحة عند الأكل عند الإفطار، وفرحة عند لقاء ربه عز وجل. Donc il a deux joies quand il mange le soir et quand il rencontrera Allah سبحانه وتعالى. كذلك من الفضائل تكفير الذنوب، Allah سبحانه وتعالى il pardonne les péchés du jeûneur. On avait dit, comme dans le hadith, As-sagha'ir, As-salawat al-khams, Wal-jumu'a ila jumu'a, Wa-ramadhan ila ramadhan, Mukaffirat ma baynahunna, Iza shtunibat l-kabair. Le hadith, on a dit, il est sahih muslim. Kadhalik, hadith Abi Huraira, Sahihain, Anna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Man saama ramadhan imanan wa ihtisaban, Ghufira lahu ma taqaddam min dambih. Tadkurun ila al-fada'il kadhalik? Tfaddal. نعم 70 خريفة 70 من صام سانغلوب النافلة وغير النافلة من صام يوما في سبيل الله لكن avec cette condition الإخلاص. كذلك أن الجن الصوم سان سبب عظيم pour de الجنة. نعم pour les jeûneurs, pour الصائمون. Dites pas les jeûneurs, dites الصائمون. Hatta vous avancez dans la langue arabe. Les mots comme ça, nous on conseille toujours, dites-les en arabe. الصيام, الصلاه, التوبه. On a parlé des ikhwan, ils ont l'habitude des mots. Pourtant, il n'y a pas un grand sens. Des fois, c'est des choubes, des mots mais comme la prière. La prière, en fait, c'est un mot que les nasara ils emploient, ça a une définition à part pour eux. Nous, c'est salat. Elle commence par takbir, elle finit par teslim. Et elle a différentes définitions. La salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une définition. La salat qu'on fait a une définition. Allah yusalli ala nabiyihi, ça a une définition. Ça c'est muhim. On emploie istilahat al-shari'a, istilahat al-ulama, tant qu'on peut. Kadhalik, tfaddal. C'est le radim li da'wa. Kayf. Li da'wa. نعم فماذا نعم en profiter faire الدعوه وتفتح ابواب الجنه فيه كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين. Et on avait cité des fawa'id fi hada. Ça nous montre tout ça, que as-siyam, cette fadila azima ou ces fada'il, azam, ces mérites, ces bienfaits de jeûner, surtout Ramadan, c'est l'obligation, c'est un pilier de l'islam. Ça nous montre que siyam, c'est pas ne pas manger, c'est tout. As-siyam, c'est une ibada azima. Elle a des conditions. Cette ibada, elle a des annulations. Il y a des choses pour parfaire ton siyam. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, on va citer une parole de son livre Al-Wabil al-Sayyib, un kitab nafi' fil athkar. Et il parle de al-Siyam et il nous montre haqiqatu al-Siyam. C'est quoi al-Siyam? Le siyam qui va t'être utile. Al-Siyam qui va t'écarter du feu. Al-Siyam que Allah il aime. Qala rahmatullah alayhi. Was-sa'imu هو الذي صامت جوارحه عن الآثام. Premièrement, الصائم, c'est celui qui s'écarte du mal. جوارحه, et ses membres, il s'écarte de namima, sa langue, il ne parle pas sur les autres, بغير حق, il ne fait pas de mal, que ce soit avec sa langue, avec ses mains, il s'écarte du haram. قال ولسانه من الكذب والغش وقول الزور. Donc, il préserve sa langue du mensonge. Al-Rish, la traîtrise. Al-Zur, par libérer le haq. Qala wa batnuhu min al-ta'am wa al-sharab. Kadhalik, il s'abstient de manger et de boire. C'est important. Et al-siyam, la yasih, celui qui mange, celui qui boit, son siyam, il est annulé. Donc, sa langue, elle fait siyam, son ventre. Qala wa farduhu an al-rafath. Kadhalik. S'il est marié, il ne fait pas jima avec sa femme. لماذا لأن il s'abstient pour Allah subhanahu wa ta'ala. فإن تلكم أو فإن تكلم لم يتكلم ما يجرح صومه. S'il parle, il ne parle pas avec des choses qui font du mal à son siyam. بعض الناس والله المستعان, ils font siyam et toute la journée يتكلمون في الناس. Ou يتكلمون بغير علم. والبعض الآخر, et c'est triste, أنهم, ils veulent passer le temps sur Ramadan dans des cafés, dans des choses, il n'y a aucune utilité. Et ils font des muharramat, que ce soit avec leurs yeux, avec leur langue. Tout ça pour passer le temps. Alors que siyam, ce n'est pas pour passer le temps. Ce n'est pas pour tuer le temps. Al-siyam, c'est une ibada azima. Al-siyam, on a cité les fada'il. Tu fais siyam et t'espères que Allah soit satisfait de toi. T'espères que ça soit un rempart entre toi et le nar. As-sawm junna, qala Nabi alayhi salatu wasalam. T'espères que ça t'élève en degré. T'espères rentrer par cette porte de l'jannah qui est réservée aux sa'imun. Qala wa kadhalik a'maluhu fahiya bi manzilati ar-ra'iha allati yashumuha man jalasa hamil al-misk. Tes œuvres, que ce soit avec tes membres, avec ta langue, c'est comme le parfum que tu sens chez Ba'i al-Misk, celui qui vend al-Ra'ih al-Misk. Si c'est des a'mal tayyiba, ça aura l'odeur du misk. Si c'est des a'mal qui ne sont pas tayyiba, a'mal khabitha, c'est comme une mauvaise odeur. Tu te fais du mal à toi et aux autres. كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته وامن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم. هكذا normalement. Quand tu t'assois avec un jeûneur, normalement, tu vas profiter. لانه il est fi ibad azim. Et tu n'entendras pas des mauvaises choses, des insultes, du mensonge, an-namima al-ghayba. قال هذا هو الصوم المشروع لا مجرد الامساك عن الطعام والشراب. C'est ça, haqiqatu al-siyam. C'est s'abstenir des muharramat. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a ordonné de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas avoir de rapport avec ta femme. Kadhalik, il nous a interdit al-muharram, al-ghayba, wal-namima, wal-kadib. Et ça, en fait, c'est pas que fait al-siyam, c'est toujours. Lakin, al-siyam, c'est encore plus important de s'écarter. Pourquoi? Parce que tu t'abstiens de certaines choses pour Allah. Donc, tu dois faire tes efforts. قال فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام وصوم البطن عن الشراب والطعام فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده فهكذا الآثام تقطع توابه وتفسد ثمرته. Comme la nourriture et la boisson, ça annule un siyam, كذلك les péchés, ça fait du mal à ton siyam. Cette récompense, ces mérites qu'on a cités dans le dors précédent, tu les espères, tu les veux, les annaka, tu te pries. Tu te pries, mais si tu es sincère, tu mérites une récompense. Mais ils se privent de manger et de boire, et ils font des ma'asi et ils font du mal à leur siyam. Bel ba'dhum, comme on a vu dans le dors précédent, as-salah, amoudid-din, al-rukn al-azim, min arkan al-islam, après al-shahadatayn, et il ne la fait pas. Comment il va espérer la récompense alors que la condition, l'islam, et celui qui ne fait pas salat, c'est pas un musulman à la sahih, comment il va espérer la récompense alors que aslan ne fait pas salat, wal'iyadu billah. Et pourquoi s'abstenir pour Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'une chose que Allah t'a demandé avant siyam, as-salat elle a été rendue obligatoire avant siyam, elle a été citée avant siyam. Celui qui la délaisse, c'est un kafir, contrairement au siyam. Enfin, pourquoi délaisser cette chose qui est plus importante et faire passer cette chose ? Qala wa sawmul batn 'an ash-sharab wa at-ta'am fa kama anna at-ta'am wa ash-sharab yaqta'uhu wa yufsiduhu fa hakadha al-atham taqta' thawabahu wa tufsid thamaratahu fa tusayyiruhu bi manzilati ma lam man lam yasum. Il peut atteindre un niveau كأنه يفبص الصيام alors qu'il ne boit pas et il ne mange pas. انتهى كلام ابن القيم رحمة الله عليه. Et on peut citer la parole du prophète صلى الله عليه وسلم هنا. Et l'imam ibn al-Qayyim il a appuyé cette parole sur ce délil qu'on va citer. قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري. Celui qui délaisse pas الزور أي الباطل سكي contredit الحق والعمل به tout ce qui est حرام والجهل فليس لله حاجة الله لا pas besoin que ce عبد il s'abstient de ne pas manger et de ne pas boire. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a besoin de personne et il a besoin de rien subhanahu wa ta'ala il est على كل شيء قدير. لكن ce hadith il montre أن ce عبد ربما il a pas la récompense, il se fatigue, il gagne que comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il gagne que la soif et la faim. Et nous, ce n'est pas le but. Al-Siyam, comme on a expliqué dans le verset précédent, ce n'est pas une coutume, ce n'est pas une habitude. Là, Al-Siyam, c'est une ibad. On fait ça, c'est pour la récompense. Tu t'abstiens, c'est pour que ça te soit profitable. Pour que ça soit profitable, l'imam Ibn al-Qayyim, il t'a montré haqiqat al-Siyam. Et on t'a cité Al-Fada'il. قال الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه في كتابه فصول في الصيام إلى cité الحكمة. Et on en avait parlé, on avait cité la parole de Cheikh Saadi في المقدمة au début du premier dars. لكن on répète كلام Cheikh ibn Uthaymeen, il les a cités, il en a cité plusieurs avec un كلام مختصر جميل. Et ça c'est important. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il nous a ordonné al-siyam, al-hikma. Et ça, connaître ce genre de hikam, ça te facilite à être plus sincère, à faire plus d'efforts, à comprendre. C'est tayyib. Qala rahmatullah alayhi, min hikam al-siyam, annahu ibadatun, yataqarrubu biha al-abdu ila rabbihi tabaraka wa ta'ala, bitark mahbubatihi al-majbul ala mahabbatiha min ta'am wa sharab, لينال بذلك قال نعم من طراب من طعام وشرب ونكاح لينال بذلك رضا ربه والفوز بدار كرامته. هذا هو أول حكمة أنه سن عبادة عظيمة. Le but de ce siyam et l'hikma c'est que tu t'abstiens parce que c'est une adoration et t'espères la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et la récompense. C'est ça l'hikma. C'est pas parce que ma famille elle le fait, ou tout le monde le fait, ils vont parler sur moi, ou mes amis ils le font. Là, c'est une ibadah. Tu dois ressentir dans ton cœur que tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième hikma qu'il cite Cheikh Ibn Uthaymeen, أنه سبب للتقوى إذا قام الصائم بواجب الصيام. S'il fait le siyam correctement, il s'abstient, il fait des efforts, c'est une cause pour faire monter son iman et pour at-taqwa. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Troisièmement, أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه. Troisième point, أن الغني, celui qui a les moyens d'habitude de manger, de boire, il est à l'aise, il s'abstient pendant un mois, une période de la journée, min tolou al-fajr, jusqu'à ghuroub al-shams, il va reconnaître ni'mat Allah alayhi encore plus. Et cette nourriture, cette boisson, c'est devenu quotidien, normal pour lui. Avec ce mois, il s'abstient, il reconnaît ni'mat Allah alayhi. Et ça, c'est une hikma tayyib. Et كذلك, il va reconnaître, il va ressentir ceux qui n'ont pas, la douleur de ceux qui n'ont pas cette ni'ma. Min al-fuqara ou al-masakin. Ça va le pousser كذلك, à être plus généreux. لأنه, il ressent ce qu'il ressent ha'oula. La quatrième hikma qu'il cite, at-tamarrun ala dhabt an-nafs wa as-saytara 'alayha. Ça, c'est important. كذلك, combattre ce nefs, éduquer ce nefs en t'abstenant pendant un mois des choses que ce nefs elle a l'habitude d'avoir et c'est des choses normales qu'elle a besoin, en s'abstenant tu l'éduques. Les annal insan si suit son nefs dans tout, un nefs ammaratun bissou robama un nefs tahlikuk, na'am, un nefs c'est une cause de halak pour kathir min annal, ce qu'on appelle ash-shahawat. Il suit son nefs. Elle veut telle chose, il le fait, même si c'est une chose haram. As-siyam, elle te permet d'éduquer son nefs. Ihdar d'être un abd de ton nefs. Kun abdan lillahi azza wa jal. Ce que Allah t'a ordonné, fais-le tant que tu peux. Ce qui t'a interdit, écarte-toi. Et patient, tout ça avec sabr. Amma nefs, la nefs, elle veut te pousser que vers le haram. Et les choses, wajib, les choses par rapport au din, c'est très lourd pour le nefs. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. Et الجنة est entourée de مكاره, ce que le nefs elle veut pas. Et الجنة est entourée de شهوات, ce que le nefs elle veut. Mais attention, si tu suis ton nefs, elle t'écartera de الجنة et elle peut te pousser في النار. الصيام, ce mois, ça te permet d'éduquer ce nefs, de calmer ce nefs. Cinquième hikma qui cite, et c'est la dernière, ما يحصل من الفوائد الصحية الناتجة عن تقليل الطعام وإراحة نعم الجهاز الهضمي المعدة etc. ça c'est طيب كذلك. C'est une فائدة عظيمة الصيام, c'est que tu manges moins pendant la journée et ça repose ton estomac, ça repose beaucoup d'organes qui travaillent d'habitude à force de manger et de boire, enfin certains ceux qui mangent mal, beaucoup de sucre, beaucoup de graisse, beaucoup d'huile, ça fait du mal à la santé. As-siyam, ça te permet de faire un repos pour, inshallah, que ça soit bénéfique pour ton corps. Lakin, attention de ne pas faire passer cette hikma comme ils font certains avant l'ibad. Ba'd an-nas rubama siyam, ce qui le pousse à faire siyam, c'est un régime pour perdre du poids. Ou parce qu'il est en danger niveau santé, il va faire siyam. Là, siyam taniya c'est l'ibad. Taniya c'est l'ibad. Et que ça te profite pour ton corps, ni'ma, alhamdulillah. Lakin, que ça devient l'objectif principal, c'est plus une ibad dans ce cas-là. Les nabad al-kuffar, ils jeûnent. Les docteurs, ils leur recommandent de jeûner. Les annahu, c'est bon pour le corps. Ils leur disent, tu jeûnes de telle heure à telle heure. Nous, on n'a pas le droit de délaisser le qasd, l'asasi, l'ibada pour que ça soit un profit pour notre corps, perdre du poids ou autre. Là, c'est une ibada, c'est une ibada. Lakin, ça fait du bien au corps, alhamdulillah. Hada ma dhakarahu Cheikh Ibn Uthaymeen. Fanabda fi qira'at al-kitab, kitab al-siyam, min umdat al-ahkam, lil-hafid al-imam Abd al-Ghani. ابن عبد الواحد المقدسي أبو محمد رحمة الله عليه قال كتاب الصيام et c'est le chapitre numéro 4 il a cité الطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام أما الصيام la définition du صيام on dit الصيام et on dit الصوم c'est pareil الصيام avec الياء et الصوم avec الواو certains أدلة c'est بالصيام et certains أدلة من القرآن أو من السنة c'est بالصوم صوم رمضان قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح فتح الباري un كتاب مهم il a expliqué صحيح البخاري c'est من أحسن وأفضل الشروح على الصحيح صحيح البخاري il a expliqué tous les hadiths de صحيح البخاري il a imprimé une quinzaine de volumes et c'est une référence dans le fiqh c'est une référence dans la bibliothèque des savants de l'islam ce livre c'est une référence il y a des erreurs des erreurs fil aqida et Cheikh Abdul Aziz bin Baz rahmatullah alayhi il a démontré ces erreurs il a un ta'liq ala Fath al-Bari il démontre les erreurs wa illa c'est un kitab nafi' jidd fa qala rahmatullah alayhi as-sawm was-siyam fi al-lugha al-imsak dans la langue arabe as-sawm was-siyam ça veut dire al-imsak s'abstenir s'abstenir d'une chose wa fi al-shar' et c'est ce qui nous intéresse nahnu imsak makhsous fi zamanin makhsous an shay'in makhsous bi shara'it makhsousa c'est ça as-siyam imsak makhsous et tu t'abstiens dans quelque chose de précis fi zamanin makhsous dans un moment précis an shay'in makhsous de choses précises بشرائط مخصوصة avec des conditions précises c'est ça le siyam et ce ta'rif il l'a cité à l'imam Nawawi avant le Hafid Ibn Hajar rahmatullah alayhi comme dans le Majmou' et au lieu de dire بشرائط مخصوصة comme il a dit le Hafid à l'imam Nawawi il avait dit قبله من شخص مخصوص et d'une personne particulière et ça ressemble c'est la même chose في الحقيقة imsak makhsous ay tu vas t'abstenir d'une manière précise ay bil fam wal farj n'am al farj ay il n'a pas le droit de faire le jima avec sa femme kadhalik bil fam il n'a pas le droit de manger et de boire fi zamanin makhsous ay tu dois t'abstenir dans un temps bien précis ay min tulou' al fajr as-sadiq إلى غروب الشمس jusqu'au coucher du soleil du fajr jusqu'au coucher du soleil cette période tu n'as pas le droit de manger de boire d'avoir des rapports avec ta femme etc on va voir en détail bien sûr tous ces points عن شيء مخصوص أي tu dois t'abstenir d'une chose bien précise الأكل والشراب والجماع manger boire avoir des rapports avec sa femme tout ça c'est interdit pendant le mois de Ramadan du fajr jusqu'au maghrib ghurub al-shams bien sûr tout ça ta'abboudan lillah mais celui qui s'abstient de manger boire du fajr jusqu'au maghrib comme on a dit pour un régime parce que le docteur lui a dit et sa niya c'est pas pour Allah هذا il a aucune part min al-hasanat par rapport à son siyam min shakhsin makhsous al-imam Nawawi قال al-hafid il a dit bi shara'it makhsousa avec des conditions bien précises. Cette personne, elle doit remplir certaines conditions pour que ce siyam soit accepté. Que ça soit awalan un muslim. Al-kafir, c'est pas accepté. Et on a démontré al-kafir, c'est celui qui dit pas shahada, il dit pas les deux shahada. Il les applique pas. Hada bil-ijma'. C'est pas un kafir. Il est obligé de dire al-shahadatayn. Kadhalik, ça englobe celui qui fait pas salat ala sahih. Et le khilaf il est mashour, lakin al-sahih, anna celui qui fait pas salat, c'est pas un musulman. Comme dans le hadith Buraïda, al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Deuxièmement, cette personne elle doit avoir comme condition, al-aql, an yakun hada shakhs aqilan, ça fait sortir al-majnoun. Donc al-majnoun, c'est pas obligatoire pour lui en siyam. Il n'est pas concerné. Il a plus al-aql. Troisièmement, an yakun baligan. Tout ça, on va y détailler. Baligan, ça fait sortir al-sagir. Al-baligh, c'est celui qui atteint l'âge de la puberté. C'est obligatoire pour lui de faire siyam. Al-sagir, là. Quatrièmement, an yakun qadiran. Il faut qu'il ait la capacité. Ça fait sortir al-ajiz. Il ne peut pas. S'il ne peut pas, il ne peut pas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fahada huwa ta'rif al-siyam. Et l'imam al-Qurtubi, Abu Abdullah, rahmatullah alayhi, sahib al-tafsir, il a cité un ta'rif tayyib jami' qala huwa al-imsak anil muftirat ma'aqtiran al-niyya bihi min tulu' al-fajr ila ghurub al-shams. Ça c'est min ahsan al-ta'rif. En une phrase, il a résumé tout ce qu'on vient de dire. Al-imsak anil muftirat, tu t'abstiens al-muftirat, que ce soit la nourriture, la boisson, les rapports. Ma'aqtiran al-niyya, bien sûr, avec une intention pour Allah subhanahu wa ta'ala. Min tulu' al-fajr ila ghurub al-shams, cette période. Ama celui qui fait siyam jusqu'au asr, alors qu'il a la capacité, c'est annulé. Ou il commence au dhuhr, il n'a pas de siyam. La bout, cette période. Al-imsak anil muftirat ma'aqtiran al-niyya bihi min tulu' al-fajr ila ghurub al-shams. Al-hafid, ou l'imam, القرطبي رحمة الله عليه لا ستة تعريف في تفسير سورة البقرة عند الآية في الصيام. أما حكم الصيام، on cite des مسائل avant de commencer les hadiths. Il y a des مسائل qui sont liées au صيام. الحافظ il a pas cité de hadith par rapport à ça. Il a commencé directement par رؤية الهلال ما يتعلق بالهلال بدخول الشهر. Et nous on cite des مسائل التعريف الحكم etc. avant. أما حكم الصيام الصيام ينقسم إلى قسمين الصيام il y a deux catégories de الصيام أي est-ce que c'est obligatoire أم لا الحكم الأول هي الصيام كبا واجب il est مستحب il est recommandé مثل صيام يوم عرفة التاسع من ذي الحجة quand beaucoup de muslims والله الحمد ils font le حج cette période le jour de Arafah, al-hajj Arafah, قال النبي صلى الله عليه وسلم. C'est recommandé pour ceux qui ne font pas le hajj de faire al-siyam. Amma celui qui fait le hajj, là. Yawm Ashura, le dixième de Muharram, c'est recommandé. Wa thalathatu ayyam min kulli shahr. Trois jours dans le mois. De préférable le 13 ou le 14, le 13, le 14 et le 15, ou trois jours dans le mois, si ce n'est pas le 13, 14, le 15, Aham Shaykh, tu fais trois jours dans le mois, comme Aja'a fi hadith Abi Huraira. Et cette mas'ala, Al-Hafid Abdul Ghani al-Maqdisi, il a cité un hadith, on la verra en détail, Inch'Allah, plus tard dans les durus. Kadhalik Siyam al-Itnayn wal-Khamis, le lundi et le jeudi, tout ça, c'est recommandé. Celui qui le fait, il est récompensé. Celui qui ne fait pas ce Siyam, ce n'est pas obligatoire. لكن ونبلي با حديث أبي سعيد من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا في الحقيقة شرطو en hiver شرطو en hiver c'est très très simple المغرب il est tôt الفجر il est tard c'est une petite période et celui qui s'il ne peut pas faire lundi et jeudi أقل شيء si on fait des efforts 3 jours dans le mois c'est une ni'ma 13, 14, 15 si tu ne peux pas tu fais un jour au départ, un jour au milieu du mois, un jour à la fin. Ou trois jours quand tu as la force. Mouhim, tu t'organises trois jours dans le mois. Et les mois, on a c'est Al-Ashur Al-Arabiya. Trois jours dans le mois, Inch'Allah, tayyib. C'est très simple. Et Al-Hassana bi Ashra di Amthaliha. Comme on l'a vu, Al-Hadith. Al-Hassana, c'est multiplié par 10. Celui qui fait trois jours dans le mois, Al-Hakika, c'est comme s'il a jeûné le mois entier. S'il fait tous les mois, c'est comme s'il est tout le temps en train de jeûner. Et il espère, يوم القيامة, rentrer par باب الريان. لماذا؟ لأنه c'est un باب خاص pour الصائمين. Et lui fait partie de الصائمون avec cette ibadah trois jours dans le mois. Et bien sûr, on néglige pas Arafah, c'est un mois, un jour dans l'année. كذلك عاشورا, c'est un jour dans l'année. Et on rajoute le neuvième jour, comme il a démontré le prophète صلى الله عليه وسلم, ça fait deux jours. Et inshallah, on est à la khayr. صلى الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. La deuxième catégorie, sawmun wajib, siyam qui est obligatoire. Bien sûr, صيام شهر رمضان c'est obligatoire. Et on va voir en détail l'adilla, les preuves que c'est obligatoire. Deuxième sous-catégorie, on est dans le wajib. Dans le wajib, il y en a trois. Le premier son wajib, c'est Ramadan. Kutiba alaykum al-siyam, qala azza wa jalla. Deuxième, bi sabab kafara, ou jaza al-sayd fil haram. Naam, celui qui chasse fil haram, ou en période de ihram, ou les kafara. Kafara, kafara tiamine, etc. Il doit jeûner trois jours parce qu'il a fait telle chose. Ma'rou, ça c'est obligatoire. Et ça, on ne détaillera pas ici, c'est un autre bab fil fiqh. Troisième somme qui est obligatoire, un nadr. Celui qui fait un vœu. Il fait un vœu de jeûner trois jours pour Allah. Ça devient obligatoire. L'anna al-wafa bin nadr, c'est wajib. Donc, c'est un obligatoire, trois sortes. Ramadan, bien sûr. Tout ce qui est lié au kafarat, par rapport à certains péchés. Ou certains manquements, et un nadr le vœu. Andur, Mask al-Khitam, Sharh, Umdat al-Ahkam, les Akhina Sheikh Zaid al-Wasabi, il a cité Hada. Et Sheikh al-Islam, Rahmatullah alayhi, il a récapitulé tout ça, fi qawli, comme fi Sharh Umdat al-Fiqh. C'est un kitab tayyib, kadalik, Umdat al-Fiqh, Sharh, Sheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah. Il a démontré, قال, as-salam khamsatu anwa', cinq catégories de salam. الصوم المفروض بالشرع وهو صوم شهر رمضان أداء أي le fait de jeûner رمضان c'est obligatoire. Ça c'est le premier cas, première catégorie pour Cheikh l'Islam. Deuxième catégorie وقضاء أي le fait de rattraper un jour que tu as manqué pour رمضان c'est obligatoire. Et en fait c'est jeûner رمضان. Lakin Cheikh l'Islam il l'a divisé en deux. أداء tu fais pendant Ramadan, si tu as eu un manquement à cause du voyage, maladie ou autre, tu le rattrapes dans l'année, c'est obligatoire. Ça fait deux. Le troisième, as-sawm al-wajib fil kaffarat, on l'a cité. Al-rabi' al-wajib bin nadr, le vœu, on l'a cité. Le cinquième, sawm al-tatawwu', ay recommandé. Et on avait donné l'exemple avec le lundi, le jeudi, etc. Ala kulli hal, as-siyam imma c'est obligatoire, imma c'est recommandé. Et c'est une ibad azima. أما صيام شهر رمضان إلى واجب كما قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه أمر من الله فليصمه سنغض c'est obligatoire jeûner un mois dans l'année le mois de رمضان وقال عز وجل كذلك في سورة البقرة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم أي سي obligatoire. ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس الإسلام il est fondé sur cinq piliers شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان صيام شهر رمضان النبي صلى الله عليه وسلم إلى ستة من أركان الإسلام الصيام et le dernier pilier الحج الحديث إليه متفق عليه والإمام النووي رحمة الله عليه في المجموع قال وهذا الحكم الذي ذكره هو كون صوم رمضان ركنا وفرضا مجمع عليه l'unanimité de la أمة que الصيام c'est obligatoire et c'est un pilier de l'islam ودلائل الكتاب والسنة والإجماع متظاهرة عليه وأجمعوا على أنه لا يجب غيره l'unanimité qu'il n'y a que ce jeûne qui est obligatoire أي le mois أما الكفارة et النذر c'est autre chose كذلك أجمعوا ils sont unanimes les savants أنه celui qui renie l'obligation c'est un kafir l'unanimité أما s'il reconnaît l'obligation il le délaisse par fainéantise ou par passion الصحيح c'est que ça reste un muslim لكن il a fait une kabira عظيمة il a délaissé un pilier de l'islam et il est obligé de faire tawbah et faire siyam pour Allah subhanahu wa ta'ala مسألة متى فرض شهر رمضان c'est quand que رمضان c'est devenu obligatoire à quelle période قال الإمام النووي رحمة الله عليه في المجموع صام رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان تسع سنين Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait Ramadan 9 fois, pendant 9 ans. Pourquoi? لِأَنَّهُ فُرِضَ فِي شَعْبَانْ فِي السَّنَةَ الثَّانِيَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a rendu obligatoire Sha'ban. سَنَةَ الثَّانِيَ. La deuxième année de l'Hijra au mois de Sha'ban. Et juste avant Ramadan. Donc ils ont jeûné le mois de Ramadan avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam la deuxième année. ثُمَّ قَالْ وَتُوفِيَ النَّبِي sallallahu alayhi wa sallam فِي شَهْر رَبِيعَ الْأَوَّلْ سَنَةَ 11 مِنَ الْهِجْرَ. Non. La onzième année, il est mort fi Rabi' al-Awwal. Donc ils ont fait la deuxième année, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième, la dixième. Ça fait 9 Ramadan. La onzième, ils l'ont pas fait, Nabi Sallam ne l'a pas fait, et Annahu, il est mort fi Rabi' al-Awwal, et Rabi' al-Awwal, c'est avant Ramadan. Wa naqala al-Sheikh al-Bassam fi tawdih al-ahkam al-ijma' ala hadha. L'unanimité en Nabi Sallam, il a jeûné 9 fois pendant 9 ans, alayhi sallam. La deuxième année, jusqu'à, il a fait la dixième et la onzième, il est mort avant, alayhi sallam. Une autre mas'ala importante, ala man yajib as-sawm, c'est qui doit jeûner. Et c'est qui les personnes qui sont concernées par as-siyam, pour qui il est obligatoire. Qala al-Sheikh Zaid al-Usabi, hafidhahullahu ta'ala fi mask al-khitam, يجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل طاهر قادر مقيم. 5 catégories. مسلم بالغ عاقل طاهر قادر مقيم. Pour cela, c'est obligatoire. قال يجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل طاهر قادر مقيم. Donc, première catégorie, المسلم. أخرج الكافر. Ça ne veut pas dire que le kafir n'est pas concerné là. Lakin, vu que c'est un kafir, il n'a pas les conditions pour faire siyam, pour le faire, il est obligé de rentrer awwalan fil islam. Wa illa, il sera châtié. Les kuffars, ils seront châtiés pour leur kufr et pour leur délaissement des obligations. Lakin, celui qui jeûne, c'est le musulman. Si le kafir veut jeûner, il est obligé de rentrer fil islam. Qala l'imam Nawawi rahmatullah alayhi fil majmou', qala ashabuna la yutalab. لا يطالب الكافر الأصلي بفعل الصوم في حال كفره بلا خلاف. لأنه هو كافر, il peut pas jeûner. Il doit jeûner, c'est une obligation. لكن il doit commencer par التوحيد, الشهادتين, الصلاة, ثم يجن. قال وإذا أسلم لا يجب عليه قضاؤه بلا خلاف. Ça c'est un point important. Si il se convertit à l'islam, ce kafir, il n'y a aucun khilaf qui ne doit pas rattraper tous les ramadans qu'il a manqué. Mathalan, il a manqué, il s'est converti Mathalan à 20 ans. Et il devait jeûner à partir de 15 ans. Il a loupé, il a manqué 5 ramadans. 5 mois. Bila khilaf, il n'a pas rattrapé les 5 mois. Il y a un nahad din yusr. Et rattraper 5 mois, c'est une machaque. Donc, il ne rattrape pas. Il commence ramadan et il fait tawba. Bien sûr, et sa reconversion c'est une tawba, et inshallah il est à la khayr. Wa law sama fi kufrihi lam yasih bila khilaf. Un autre point, si il jeûne en étant kafir et c'est pas musulman, c'est pas accepté bila khilaf. Ça montre à ceux qui jeûnent pour leurs amis, ceux qui jeûnent parce que ses proches ils jeûnent et c'est pas un musulman. Hada yut'ib nafsuhu. Il se fait du mal faqat. Sawa'un aslama ba'da dhalik am la. Non. Et s'il devient musulman, le jeûne qu'il avait fait, il n'est pas accepté. S'il est devenu musulman, c'est compté à partir de son islam. هذا ما يتعلق ب الصنف الأول المسلم. Deuxième, البالغ, celui qui atteint la puberté, il est obligé de faire le siyam. أخرج الصبي, ça fait sortir l'enfant qui n'est pas pubère. لكن على الولي أن يأمر الصبي بالصيام إن كان يطيق ذلك كي يتعود عليه. Ça c'est important. لكن les parents ou les responsables de cet enfant, ils doivent l'encourager à faire le siyam tant qu'il peut, bien sûr. Amma l'enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, ما يستطيع. Amma à partir d'un certain âge, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, s'il n'est pas pubère, ils doivent l'encourager. Il commence. Même au départ, quand il est petit, commencer par une petite durée. pendant une heure, deux heures. Thumma, quand il a la capacité, Khassatan arrive à 10 ans, 11 ans, il commence à être capable. De temps en temps, il fait un jour. Tayyib. Ta'awud. Il prend l'habitude. Et vous avez remarqué que les enfants, ils aiment ça. Ils aiment faire siyam. Quand ils voient leurs parents, leurs frères faire siyam, eux aussi veulent. Tu trouves des enfants, ils veulent faire siyam même s'ils n'ont pas la capacité. On l'encourage. On l'encourage à faire siyam hatta il s'habitue. Hatta quand il grandit, quand ça devient obligatoire pour lui, c'est devenu naturel pour lui de faire siyam. Et as-salaf, ils étaient à la hada. Fi sahih al-Bukhari, an al-Rabi' bint Mu'awwid, radiyallahu anha, qalat, une sahabiya, فكنا نصوم أي عاشورة ونصوم صبياننا ونصوم صبياننا أي on faisait jeûner nos enfants ونجعل لهم اللعبة من العهن أي من الصوف الأحمر comme de la laine il leur donnait pour jouer un jeu فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. Quand il pleurait, il commençait à avoir faim, l'enfant, il lui donnait ce jeu, un jeu pour qu'il oublie, hatta il arrive, ghurub al-shams. Aïe, il l'habitue. Hada c'est tayyib. Lakin, bien sûr, al-qudra, il faut qu'il soit capable, mais ça lui fait du mal. Il tombe malade. Hada la yajouz. Et là, c'est pas obligatoire pour lui. Et bien sûr, ne pas avoir la conviction que c'est obligatoire. Là, chaque chose à sa place. C'est pas obligatoire pour lui. Hada, c'est un entraînement et ça lui sera utile plus tard, inshallah ta'ala. قال الإمام النووي رحمة الله عليه لا يجب كما في المجموع لا يجب الصوم صوم رمضان على الصبي ولا يجب عليه قضاء ما فات قبل البلوغ بلا خلاف. نعم l'unanimité que c'est pas obligatoire et ce qu'il a manqué en étant enfant il a pas le rattrapé et ça c'est un sujet clair. Un autre point important par rapport à le بلوغ لأن الآن le premier cas le musulman c'est clair. Deuxième cas Al-Baligh, celui qui atteint la puberté. Et on a expliqué que l'enfant, c'est pas obligatoire, là qu'il l'habitue, c'est mieux. Un point important, c'est quand que cet enfant, garçon ou fille, il atteint l'âge de la puberté. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, fi al-Sharh al-Mumti', kadhalik c'est un kitab tayyib. Ce qu'on cite, on vous cite les références, c'est important pour talib al-ilm de connaître les références. Dans le fiqh, t'as plusieurs références. T'as des livres que tu pourras pas comprendre maintenant. Kalmourni ou Al-Majmour, c'est des livres, c'est comme des encyclopédies, Fil-Fiqh. C'est des 20 volumes, 30 volumes. Avec la langue arabe, si tu maîtrises pas, tu comprendras pas, ou pas mal. Lakin, c'est important de connaître les références. Hatta, si t'as besoin d'un point, tu sais où aller. Enfin, parmi les références, Fil-Fiqh, Al-Majmour. Les Nawawi, c'est une référence tayyib jiddan. Fi Al-Madhab Al-Shafi'i. كذلك المغني لابن قدامة في المذهب الحنبلي كتاب عظيم كذلك فتح الباري فتح الباري للحافظ كذلك الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين كذلك ليليفغ دو الإمام ابن المنذر كذلك طول الشروح على بلوغ المرام على عمدة الأحكام كذلك شرح النووي على مسلم شرح القرطبي المفهم طول الليفغ سدي كتب طيبة نيل الأوطار للشوكاني السبل السلام للصنعاني لليفر ابن القيم لليفر دا شيخ الإسلام عمدة الفقه مجموع الفتاوى tous ces livres inshallah ça te permettra de comprendre tous ces adillah qui sont cités في القرآن وفي السنة لكن des efforts في طلب العلم des efforts dans les fondements comme عمدة الأحكام tu l'apprends par cœur si tu peux tu le comprends des efforts dans la langue arabe la régularité et inshallah فضل الله لواسع ne doute pas que tu y arriveras. Ce que tu n'as pas compris aujourd'hui, tu le comprendras demain. Lakin les efforts. Parmi les références, Sharh al-Mumti', Sharh al-Mumti' de Cheikh Ibn Uthaymeen, c'est un kitab nafis, jiddan. Ils l'ont imprimé en plusieurs volumes. Haqiqa, il est simple, pour celui qui comprend l'arabe. Et c'est une référence dans le fiqh. Qala, rahmatullah alayhi, al-bulur, yahsul, bi wahid min thalatha, bi nisbati li dhakar. Pour le garçon, trois choses qui permettent de reconnaître est-ce qu'il a atteint la puberté amna. Pour le garçon, on verra que pour les filles, il y a une chose en plus. La première, itmam khamsa asharat sana. La première, il atteint l'âge de 15 ans. Et s'il n'y a pas les autres, s'il n'y a pas les autres signes qu'on va voir, Et il arrive à l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans, il est pubère. الثاني انبات العانة وهو الشعر الخشن حول الفرق انبات العانة أي des poils sur le pubis. هذا si il a cette علامة des poils qui poussent à cet endroit, garçon ou fille, il a atteint la puberté, il doit faire الصيام. الثالث انزال المني بشهوة الاحتلام, que ça soit sommeil quand il dort ou en étant réveillé. Naqala ibn al-Mundhir rahmatullah alayhi al-ijma' ala dhalik. Al-Imam ibn al-Mundhir, il a rapporté al-ijma' que celui, garçon ou fille, il a un inzal al-mani, et le liquide qui sort, hadha bil ijma' annahu il a atteint la puberté, il doit faire siyam. Donc inbat al-ana, les poils qui poussent sur les parties intimes, inzal ou autour des parties intimes, inzal al-mani, le écoulement de sperme, garçon ou fille, hadha, il a atteint la puberté. On rajoute pour la fille un quatrième point, wa huwa al-hayd. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, wa lil-untha bi arba'ati ashya', hadhihi ath-thalath as-sabiqa wa rabi' wa huwa al-hayd. La fille, si elle est atteinte par les règles menstruelles. قال الإمام ابن المنذر رحمة الله عليه في الإجماع أجمعوا l'unanimité أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض. L'unanimité que si cette fille elle est touchée par les règles, les menstrues, الحيض, elle est concernée par toutes les obligations. لأنها c'est devenu une femme. الصيام والصلاة etc. Donc quand elle est purifiée من الحيض, elle doit faire au salat. Et quand c'est siyam ramadan, elle doit le faire. Si elle ne peut pas le faire à cause des règles, elle le rattrape, comme on verra dans un chapitre. Ça, c'est important. Certaines filles, elles n'osent pas le dire. Et le hakika, c'est normal. Surtout les premières fois. Donc, c'est à la mère de faire attention. Et les mères, elles savent quand leurs filles, elles sont touchées par hadha. Elles le savent. Donc, le hakika, fi hadha al-hal, elle doit lui montrer qu'elle doit faire siyam. C'est une obligation. Si elle ne le fait pas, elle tombe fil haram. Et si elle ne fait pas as-salat, elle est à la khatar. Donc on doit s'entraider fi hada. Même si elle a les règles à l'âge de 10 ans, 11 ans, ça arrive beaucoup. Les jeunes filles à 11 ans, 12 ans, 13 ans, elles sont touchées par les règles, elles font siyam et elles font salat et c'est une obligation. On n'attend pas 15 ans. 15 ans, Ba'd ulama cite 15 ans, si les signes ne sont pas venus avant. Amma l'imam Shafi'i rahmatullah alayhi, il a démontré anna, si elle est touchée par un ou il, le garçon ou la fille, par un des signes qu'on vient de citer, une bat l'ana ou une zel mani ou l'haïd pour les filles, ce garçon ou cette fille, ils deviennent pubères. Et hada c'est muhim. Kalam al-imam al-mundir min kitabihi al-ijma' na'am, dhahab al-waqt. On voulait finir, on finira inshallah. Amma العاقل صافي سورتير المجنون الطاهر صافي سورتير الحيض لا فام كي ا كي ان ايتا دو مونسترو اي تو سا اون يفيرا ا بار ما يتعلق بالحيض دون سو كي سون ديسبانسي دو فير الصيام القادر صافي سورتير العاجز celui qui est pas capable si jeune il tombe malade ça peut s'aggraver les docteurs de confiance ils lui disent que c'est pas qu'il ne peut pas هذا il est excusé et Al-Muqim, on verra en détail Bab al-Safar. Al-Imam Abdelghani al-Maqdisi, il a cité les hadiths sur al-Safar. Et on verra que pour un Moussafir, ce n'est pas obligatoire, lakin il rattrape. Amma al-Muqim, le résident, c'est obligatoire. Donc tous ces points, on a détaillé nahnou jusqu'au baligh. Yanna le reste, ça viendra, inshallah, il y a des hadiths et on détaillera. Bi-idnillah. Man indahu shay, ou natawakkaf huna, et on continue, inshallah, dans le prochain dars. Révisez, apprenez le prochain hadith ou le premier hadith pour le prochain cours. An Abi Hurayra radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la taqaddamu Ramadan bisawmi yawmin wa la yawmin illa rajulan kana yasum sawman falyasumhu. هذا الحديث لو دوزيام عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له. Donc le prochain cours inshallah on verra ma yata'allaq bi dukhul ramadan ay al hilal, tout ce qui est en rapport avec Hilal, Shah Ramadan. Donc celui qui peut et qui veut apprendre ces deux hadiths, fa tayyib. Subhanak Allahumma hamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.